Jérémie chapitre 40. La parole qui fut adressée de par l'Éternel à Jérémie, quand Nébuzaradan, prévôt de l'autel, l'eut renvoyé de Rama, après l'avoir pris lorsqu'il était lié de chaînes parmi tous ceux qu'on transportait de Jérusalem et de Juda, et qu'on menait captif à Babylone. Quand donc le prévôt de l'autel eut retiré Jérémie, il lui dit, « L'Éternel, ton Dieu, a prononcé ce mal sur ce lieu-ci. » Et l'Éternel l'a fait venir, et a fait ainsi qu'il avait dit, « Parce que vous avez péché contre l'Éternel, et que vous n'avez point écouté sa voix, à cause de cela ceci vous est arrivé. Maintenant donc, voici, aujourd'hui je t'ai délié des chaînes que tu avais aux mains, s'il te plaît de venir avec moi à Babylone, viens, et je prendrai soin de toi, mais s'il ne te plaît pas de venir avec moi à Babylone, demeure, regarde, toute la terre est à ta disposition, va où il te semblera bon et convenable d'aller. Or Guédalja ne retournera plus ici, retourne-t'en donc vers Guédalja, fils d'Ahikam, fils de Saphan, que le roi de Babylone a commis sur les villes de Juda, et demeure avec lui parmi le peuple, ou va partout où il te plaira d'aller. » Et le prévôt de l'autel lui donna des vivres et quelques présents, et le renvoya. Jérémie donc alla vers Guédalja, fils d'Ahikam, à Mitzpah, et demeura avec lui parmi le peuple qui était resté dans le pays. Et tous les capitaines des gens de guerre qui étaient à la campagne, eux et leurs gens, entendirent que le roi de Babylone avait commis Guédalja, fils d'Ahikam, sur le pays, et qu'il lui avait commis les hommes, et les femmes et les enfants, et cela d'entre les plus pauvres du pays, savoir, de ceux qui n'avaient pas été transportés à Babylone. Alors ils allèrent vers Guédalja, à Mitzpah, savoir, Ismaël, fils de Netanja, et Johanan et Jonathan, enfants de Caréa, et Seraja, fils de Tanumé, et les enfants des fées, Netophatite, et Jézanja, fils d'Amahachatite, eux et leurs gens. Et Guédalja, fils d'Ahikam, fils de Saphan, leur jura, à eux et à leurs gens, en disant, « Ne faites pas difficulté d'être assujettis aux Chaldéens, demeurez dans le pays, et soyez sujets du roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Et pour moi, voici, je demeurerai à Mitzpah, pour me tenir prêt à recevoir les ordres des Chaldéens qui viendront vers nous, mais vous, recueillez le vin, les fruits d'été, et l'huile, et les mettez dans vos vaisseaux, et demeurez dans vos villes que vous avez prises pour votre demeure. » Pareillement aussi, tous les Juifs qui étaient en Moab, et parmi les enfants de Ammon, et dans l'Idumée, et dans tous ces pays-là, quand ils eurent entendu que le roi de Babylone avait laissé quelques restes à Juda, et qu'il avait commis sur eux Guédalja, fils d'Ahikam, fils de Saphan. Tous ces Juifs-là retournèrent de tous les lieux dans lesquels ils s'en étaient fuis, et vinrent au pays de Juda, vers Guédalja, à Mitzpah, et recueillirent du vin, et des fruits d'été, en grande abondance. Mais Johanan, fils de Caréa, et tous les capitaines des gens de guerre qui étaient à la campagne, vinrent vers Guédalja, à Mitzpah, et lui dirent, « Ne sais-tu pas certainement que Baali, roi des enfants de Ammon, a envoyé Ismaël, le fils de Netanya, pour t'ôter la vie ?» Mais Guédalja, fils d'Ahikam, ne les crut point. Et Johanan, fils de Caréa, parla en secret à Guédalja, à Mitzpah, en disant, « Je m'en irai maintenant, et je frapperai Ismaël, fils de Netanja, sans que personne le sache, pourquoi t'ôterait-il la vie, afin que tous les Juifs qui se sont rassemblés vers toi, soient dissipés, et que les restes de Juda périssent ?» Mais Guédalja, fils d'Ahikam, dit à Johanan, fils de Caréa, « Ne fais point cela, car tu parles faussement d'Ismaël. »